investigation with our full cooperation. Why don't you get me a cup of coffee? Who the hell is it? Cafe latte. What the fuck? Twist of lemon. Chief, what the fuck is this? Sweet and low. L'heure de la vengeance a sonné pour les traîtres. Le son de la déchéance annonce l'arrivée du nègre. Trente petits plats implore le pardon. Ces quelques rimes assassines explosent les sermons. L'heure de la vengeance a sonné pour les traîtres. Le son de la déchéance annonce l'arrivée du nègre. Trente petits pleurs, crient, implore le pardon. Ces quelques rimes assassines explosent tes sermons. Gars, tu mettras 100 ans pour atteindre ma cheville. Rappeur de pacotille, pauvre MC de famille. Me parle pas, je suis défoncé. Je sniffe mes ennemis, aspire leur force, les hume. Mon âme les compresse et mon esprit les brûle. Paraît que j'ai du talent et que si j'étais blanc, je serais pas dans les flammes. J'attrape un beat, je passe à tabac devant sa femme. Tic tac, les rappeurs ne parlent que crime. Et quand leurs fesses sèchent, ils paniquent, ils s'allongent sur mes lignes. Lyricalement, tu te fais carotter ta carotide. Si tu plagies, agis normalement. Pousse pas, gifle un négro jusqu'à ce qu'il chie. Qu'est-ce qu'il y a? C'est pas nos dièses. Alors pourquoi cette puterie qui nous pousse à la suite ta capucherie? À avoir des corps astrales sans magie. Je suis agile sans tricherie. Je fusille. On veut des voitures avec des vitres qui ont la couleur de celui qui a inventé cette musique. Depuis mon arrivée, les blancs négrissent, baby. Les jaloux maigrissent. Le rap français achète ses mitraides chez Idris. L'heure de la vengeance a sonné pour les traîtres. Le son de la déchéance annonce l'arrivée du nègre. Trente petits pleurs, crient, implore le pardon. Ces quelques rimes assassines explosent les cerveaux. Le bien, le mal, elle comme un dingue, t'es le 1. Dans les deux, je ne m'en remets qu'à celui que le catholique voit. Dans les 3, 4, 5, je distribue les 6. Un pour le malin, 2 pour l'antéchrist, 3 pour les faux prophètes. Je suis juste un animal qui porte la peau d'une autre bête. Et la trinité, sweet jean basket. Noir frère intérieur, cuir noir, noir siège. Noir frère, moi son Warner, moi fier. Descendant de ce qu'on appelait les grands paresseux, noir. Grands païens, les grands enfants. Je peux encore entendre des coups de fouet. Voilà pourquoi voir un poulet me donne l'envie de vomir un caïman. On doit toujours s'expliquer, on veut nous expulser. On doit s'excuser, nos dépouilles jetées. Avec les malades mentaux, avec les prostituées. Mon squelette aura des chaînes aux mains et des chaînes aux pieds. Oui, c'est notre son. Oui, tu fais partie des miens, oui, t'es un bon. Les maisons 10 regardent de grand, de très bas et confondent les oiseaux et les avions. Les négros sont des moineaux. Parle de voir plus de coco roissy. Dans les studios, c'est voici. Le rap passe de l'adrénaline à la morphine. Mon verbe brûle tous ces faux MC. L'heure de la vengeance a sonné pour les traîtres. Le son de la déchéance annonce l'arrivée du maître. Trente petits pleurs, puis implore le pardon. Ces quelques rimes assassines explosent tes sermons. J'ai fait mon primaire où les musulmans faisaient leurs prières en pleine rue. Mon secondaire où deux hommes s'embrassent en pleine rue. Bien avant la musique, j'parle pep, j'ai connu de grands creux. Indépendant par condamnation. Mon argent c'est pour le stud, pas pour la pub. Mon style de rap, beaucoup le calquaient. Les journalistes me parlaient de faire monter mon buzz. Le public serait habitué aux rappeurs qui parlent comme si leurs anciens maris les battaient. Les maisons disent te traitent comme une juice, tu tapes pour une news. C'est comme ça de leur game, c'est les fils de Rose. Mais c'est un bis, je rentre dans la matrice. Me tape pour la promo, mais on ne fera pas parler comme une actrice. L'industrie peine. L'industrie peine. J'écris ces 3 premières lettres comme homosexuel en anglais. J'appelle ça le game. Ok, c'est le retour du nègre. C'est pas une question de couleur de peau. Parce que tu peux être un nègre chez les nègres. Tu vois ce que je veux dire? Le nègre, c'est celui à qui on donne pas sa chance. Celui qui est dans l'ombre, qui écrit pour l'autre, qui travaille pour l'autre. L'Africain, l'Haïtien. Je fais celui-là, je le sais. Portugais. Je le vois en toi. L'Arabe. Faisons progresser nos choses. Ouais, ouais. Et j'avais envie de parler, j'avais envie de dire des trucs. C'est ma mixtape. Ouais, ouais. Mec, ça faisait 2 ans que j'avais pas rappé. Ouais, ouais. Ça me fait plaisir. Ça fait plaisir de partager ça avec vous. Je vous jure que ça fait plaisir. L'heure de la vengeance a sonné pour les traîtres. Le son de la déchéance annonce l'arrivée du nègre. Prends petit pleur, prie, implore le pardon. Ces quelques rimes assassines, explose tes cerveaux.